Chapitre 25e. Herr von Treumann est-il parti? La princesse Ludwig venait d'entrer dans la chambre où le médecin, appelé en toute hâte, s'efforçait de ramener la baronne à la vie. Madame de Penheim demandait si Anna pourrait accorder un instant d'entretien à Monsieur Delhomme. Herr von Treumann est-il parti? Répéta Miss Estcourt. Elle était décidée à ne pas descendre avant d'en avoir l'assurance. Il est parti et sa mère l'a accompagnée à la gare. Anna n'aimait pas quitter le chevet de la baronne depuis l'instant fatal. Les larmes l'empêchaient de distinguer nettement la pâle figure immobile sur l'oreiller. Vit-on jamais barbarie si atroce, si gratuite que celle de ce jeune homme? Pauvre, pauvre petite Elsa! Comment la consoler? Penser sa blessure! La mère était entrée plusieurs fois sur la pointe du pied en dernier lieu pour annoncer le départ de Karlsson et supplier Anna de venir lui accorder le pardon qu'il implorait pour avoir bien involontairement fait tant de mal. Mais Anna, secouant la tête en signe de dénégation, s'était retournée vers la pitoyable effigie étendue sur le lit. Jamais elle ne reverrait M. de Treumann, elle ne lui reparlerait de sa vie. Son mouvement fut si expressif que la veuve se retira au désespoir. De quels amers reproches elle accabla à l'infortuné Karlsson. C'est uniquement dans le but de continuer à lui m'originer qu'elle l'accompagna à Stralsund, car elle en avait gros sur le cœur depuis longtemps, et l'occasion était bonne pour s'expliquer. Le malheureux hussard, complètement démoralisé, la laissait dire « plus doux qu'un agneau ». Au fond, ce qu'il en avait fait, c'était pour elle, pas? Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire à lui tous ces potins de vieilles chattes en colère? Il s'en moquait un peu de la baronne et de sa loli et de toutes ses histoires. Sûr, il avait voulu rire, voir la tête de la baronne quand Anna la flanquerait à la porte. Mais pouvait-il se douter qu'elle prendrait les choses comme ça? Qu'une simple plaisanterie amènerait de tels drames? Au diable les femmes, toutes toquées, paroles d'honneur, on ne sait comment les prendre. Mais comme il était vivement épris d'Anna, il eut froid dans le dos, en se remémorant le regard qu'elle lui avait adressé en quittant le salon, derrière le triste cortège qui emportait la baronne inanimée. Vrai, la vieille pourrait bien se dispenser d'ajouter à sa déconfiture par ses reproches. Et tandis que la vieille donnait un libre cours à sa colère, l'infortuné méditait amèrement sur sa triste condition. Plusieurs heures de trajet dans un wagon brûlant et poussiéreux pour repartir dardard dans un autre wagon non moins étouffant, non moins noir de poussière. Et ce sacré uniforme endossé pour parachever la conquête d'Anna et qui l'étranglait, l'étouffait. Et le coup ruineux de ce voyage de dupe pour lequel il n'avait obtenu qu'un éclair de joie et l'apparition momentanée de deux enivrantes fossettes, plus un regard où glaçait le sang dans les moelles par 40 degrés à l'ombre. Ouf! Il n'avait pas été si embêté depuis l'année 1880 et quelques. Dans ces temps reculés, Karlsson s'était vu forcé de se battre en duel. Et Karlsson n'approuvait pas le duel, qu'il déclarait barbare. Mais ayant fait une plaisanterie qu'on avait mal prise, et portant l'uniforme, il avait fallu marcher. Eh bien, le soir qui précéda le duel, il s'en souvenait. Il était aussi embêté que maintenant. C'est très joli de parler de courage, mais votre peau avant tout, n'est-ce pas? Enfin, qui sait? Peut-être cette affaire tournera-t-elle bien après tout, comme l'autre, car dans le duel, Karlsson s'était couvert de gloire, ayant tué son homme comme un lapin. Ainsi le hussard s'efforçait de voir le côté riant des choses et de ne pas entendre la voix qui le gourmandait. « J'espère, » continua la mère impitoyable, tandis qu'affalé dans le wagon, il attendait avec impatience le moment du départ. « J'espère au moins que tu as honte de ta stupidité. Tu peux m'en croire. C'est une amère chose que de se dire qu'on a mis au monde un crétin. » Un garçon de café passait en courant, un plateau de rafraîchissement à la main. « Um Gottes Willen !»« Pour l'amour de Dieu !» cria Karlsson d'une voix déchirante, arrachant son hausse-col qu'il ne pouvait plus supporter. « À boire ! Un bock, pour l'amour du ciel !» Il vida la chope d'un trait et retomba, haletant sur sa banquette, la face ruisselante et congestionnée. Le train partit, laissant Frau von Treumann debout sur le quai, rigide, telle la statue du commandeur. Anna, cependant, descendue au salon, y avait trouvé Axel. « Je suis navré, » murmura-t-il. « La princesse m'a dit la peine qu'on vous a faite. Oh, au moins, qu'importe, mais cette pauvre créature là-haut. » Axel baisa la main droite d'Anna, ce qui, elle le savait, est l'usage du pays allemand. Mais il se mit immédiatement à baiser sa main gauche, ce qui n'est pas l'usage du tout. Elle était toute défaite, pâle, les yeux creusés, les paupières rougies. Mais une nuance rose passa sur sa joue délicate, tant Axel mit de ferveur dans son baiser. « Ne soyez pas trop bon pour moi, » fit-elle en retirant sa main et s'efforçant de sourire. « Je suis stupide aujourd'hui. Je ne demande qu'une occasion de me remettre à pleurer. »« Eh bien, pourquoi vous en priver ? Pleurez, ça vous fera du bien. »« J'ai beaucoup pleuré déjà, et ça ne m'a fait aucun bien. » »« Pauvre petite amie. » Très tendrement, « comment est la baronne ?»« Toujours de même. Le docteur pense que ce sera sérieux. Elle n'a pas de santé. Depuis des années, elle vit de privation. » Elle a manqué de feu, de vêtements, de nourriture, de tout. Se détournant brusquement pour cacher ses larmes, elle alla vers la fenêtre. N'oubliez pas, dit Axel en la suivant, que les mauvais jours sont finis pour cette pauvre fille. Pensez à la chance qu'elle a eue de vous rencontrer. Quand ce triste moment sera passé, elle se retrouvera auprès de vous, entourée d'affection, de soins, de tendresse. Tout le monde n'en a pas autant. Mais elle ne se soucie ni de soins ni de tendresse, venant de moi, elle ne m'aime pas. » Axel n'exprima aucune surprise, car il n'en ressentait aucune. L'aigreur de la baronne, à son avis, était sans remède. Et comment cette aigreur, irréductible, se mélangerait-elle harmonieusement à tant d'adorable douceur? Il se contenta donc de fixer sur les cheveux d'Anna un regard plein de sympathie. « Pourquoi dites-vous cela ? » demanda-t-elle sans se retourner. « Qu'ai-je dit ? Que les mauvais jours sont passés. Elle sera entourée de belles et bonnes choses. N'avez-vous pas prononcé vous-même que s'il était vraiment la sœur de cette pauvre fille, il faudrait la renvoyer ? L'avez-vous oublié ? Nullement. Mais je suis persuadé maintenant que vous la garderez en dépit de tout. Vous le voyez, je commence à vous connaître. Si elle se plaît ici, si elle peut y vivre heureuse, je la garderai, quoi qu'on puisse dire ou penser. Oui, si. Elle se retourna soudain, lui faisant face. « Elle est si malade, si malade » s'écria-t-elle. « Il faut la soigner d'abord, la guérir. Ensuite, on verra. »« Peut-être, » ajouta-t-elle avec un regard mélancolique, « peut-être cette maladie la changera-t-elle. »« N'y comptez pas, » fit l'homme en secouant la tête. « Pour quelque temps peut-être, quelques semaines, tant qu'elle se rappellera les soins que vous lui aurez donnés. Puis le naturel reviendra. » Croisant ses bras, il la regarda bien en face. « Croyez-moi, » continua-t-il, « on ne change pas sa nature. C'est pour cela que votre entreprise est sans espoir. »« Sans espoir ?» répéta-t-elle, consternée. N'était-ce pas là le mot qui la hantait, qu'elle s'efforçait vainement de chasser de son esprit ?« Il aurait fallu prendre la baronne il y a quelque 40 ans. Alors, peut-être. Alors, elle avait 5 ans, et je n'étais pas né. Oui ?» C'est à 5, 6, 10 au plus qu'il faudrait choisir vos protégés. À cet âge, vous auriez quelque chance de leur imprimer le pli que vous désirez, de leur enseigner la science du bonheur. Et encore, croyez-vous que si elles étaient capables d'être heureuses, elles ne le seraient pas depuis longtemps sans vous? Qu'elles se seraient laissées tomber dans la misère? Qu'elles n'auraient pas su trouver du travail? C'est ainsi mon tonique que le travail. Voyez la princesse, elle gagne sa vie. Et l'entendez-vous jamais se plaindre? Elle trouve l'existence fort supportable, j'en suis sûr. Jamais vous ne ferez rien d'une baronne ou d'une Treumann. Elles sont de force à trouver à redire même au paradis, et à grincher contre le bon Dieu en personne. Vous trouvez que je prêche? Fit-il en s'interrompant tout à coup. Aurais-je tout à fait tort? Non, mais il m'est si difficile de rester là à me croiser les bras pendant que vous recevez des coups. À mon tour de prêcher, s'écria Miss Escort. Pourquoi ce grand intérêt pour moi et cette complète indifférence au coup que peut recevoir une femme comme Elsa, par exemple? Une femme d'un certain âge, sans beauté, sans charme, est donc pour vous, comme pour tous les hommes, un objet absolument indigne d'intérêt. J'admire avec quelle philosophie vous supportez les horions qui pleuvent sur elle. Pauvre petite Elsa! Ah, si j'avais 45 ans et des cheveux gris, je voudrais bien savoir si vous me porteriez autant d'intérêt, homme compatissant. « Je m'intéresserai toujours à vous, quel que soit votre âge, » répliqua M. Delhomme d'un tel ton que Miss Escort, confuse, l'interrompit. « Laissons cela, » dit-elle, « il s'agit pour le moment de la remettre sur pied. »« J'espère que cela ne tardera pas et qu'elle se relèvera bientôt du coup que lui a porté ce très brutal jeune homme. »« Vous êtes de mon avis. Vous trouvez comme moi qu'il s'est conduit avec une rare brutalité. »« Absolument de votre avis. » »« Et j'espère en outre qu'une fois guérie, vous arriverez à la rendre aussi heureuse qu'elle est capable de l'être. Si je savais seulement comment m'y prendre, C'est bien simple, laissez-la libre de s'en aller, en lui donnant de quoi vivre modestement à sa guise. Ce serait beaucoup mieux pour elle et pour vous. J'y avais déjà pensé, fit Anne à voix basse, les yeux à terre. Il lui semblait qu'elle amenait son pavillon. Pourquoi ne me permettriez-vous pas de vous aider ? Comment m'aider ? En apportant ma contribution à votre bonheur. Pourquoi pas, s'il vous plaît ? Pourquoi ne ferais-je pas la charité, moi aussi ? Me jugeriez-vous indigne d'être votre collaborateur ? Il serait d'ailleurs tout à fait inutile qu'elle sache que je prends ma part des dépenses. Après tout, vous n'êtes pas millionnaire. Et vous donc ? Fit Anna, lui souriant. Les pauvres diables qui vivent du rendement de la terre le sont rarement. Cependant, nous sommes assez riches pour faire un peu de bien. Mais pourquoi vous gêneriez-vous pour la baronne ? C'est à moi qu'elle appartient, c'est moi qui l'ai découverte, qui suis responsable d'elle. C'est que ce sera beaucoup plus coûteux que de l'héberger simplement ici. Tant pis, ça m'est égal, pourvu qu'elle soit heureuse. Heureuse, répéta Axel. Et Frau von Treumann, l'est-elle au moins celle-là ? Non, répliqua à regret Miss Estcourt. Fräulein Courau aurait été heureuse ? Non. Encore une question, l'êtes-vous vous-même ? Anna rougit. Singulier doute, pourquoi ne le serais-je pas, je vous prie ? Répondez, l'êtes-vous ? Elle le regarda, hésitante. Non, murmura-t-elle enfin très bas. Axel se mit à arpenter le salon à grands pas. J'en étais sûr ! S'écria-t-il. Il paraissait ému, agité. Je pense que vous ne recevrez plus ce petit Treumann après cette affaire, fit-il en s'arrêtant brusquement devant elle. Jamais. Comment arrangerez-vous cela avec la mère ? Ce sera difficile. Je le crains, confessa Anna. Il faut avouer que la perspective qui s'ouvre devant vous n'est guère engageante, murmura-t-il pensif. La baronne dangereusement malade, Madame de Treumann mortellement offensée, la grosse Fräulein complètement inutile. Vous avez la princesse par bonheur, mais c'est égal, vous êtes bien seul, et l'ennemi est trop nombreux. Plus encore qu'Anna ne le soupçonnait. Bien à contre-cœur, M. Delhomme avait poussé son enquête officielle, et tous les faits recueillis semblaient tendre à prouver la culpabilité de Klutz. Amené devant la justice, interrogé, nul doute qu'il ne divulguât son absurde roman. Toute la Poméranie retentirait de cette affaire stupide. Axel frémissait de rage à la pensée des commentaires inévitables. Debout devant la fenêtre, il regardait sans les voir les pelouses jaunissantes, les lilas desséchées, l'île barrant l'horizon d'un trait vaporeux et lointain. Le vent était tombé et l'atmosphère vibrait à travers une sorte de brume dorée. Assise au fond du jardin, Miss Leach, sa broderie à la main, écoutait Letty lui faire tout la lecture d'un livre d'histoire. La voix bourdonnante de la fillette arrivait vaguement aux oreilles d'Axel, immobile et silencieux. Il sentait une tempête se déchaîner en lui. Les traces de larmes sur le doux visage d'Anna, sa détresse, les graves ennuis qui la menaçaient, avaient achevé de remplir son cœur de passion. Il se sentait incapable de se maîtriser plus longtemps. Il fallait au prix qu'il parlât, qu'il lui offrît la protection dont elle avait un si grand, un si urgent besoin. Et pourtant, elle ne l'aimait pas. Il le sentait trop, ou du moins, elle n'éprouvait pour lui qu'une calme affection fraternelle. Elle refuserait certainement de l'épouser. Et que deviendrait-elle, seule en ce pays étranger, sans un appui, un soutien, dans la crise inévitable ? Ah, malheureuse petite fille ! S'écria-t-il subitement. Dans quel embarras nous a-t-elle mis tous ? Quelle petite fille ? Fit Anna sans comprendre, car elle ne pouvait soupçonner que M. Delhomme fût au courant de l'affaire Klutz. Se rapprochant, elle vint regarder par-dessus son épaule. Il se retourna vivement. De la sentir si près, de la tenir ainsi sous son regard, il perdit la tête. « Vous savez que je vous aime, » dit-il, comme malgré lui, d'une voix sourde, tremblante et brisée de passion. Anna devint toute blanche. Elle demeurait immobile, le touchant presque, sans la force de s'éloigner. Comme fascinée, les lèvres entr'ouvertes, elle gardait ses yeux fixés sur le visage bouleversé d'Axel. « vous le savez depuis longtemps. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Anna, qu'avez-vous à me dire ?» Elle se taisait, tremblante. « Répondez, il le faut. » Et saisissant ses deux mains, il les pressa les briser dans les siennes, se mit à les couvrir de baisers, transporté hors de lui, à demi-fou d'amour et d'inquiétude. Elle le regardait toujours, silencieuse et troublée. « Que dire ? elle se sentait défaillir. Une détresse infinie l'envahir toute. La journée avait été terrible et ce dernier coup l'accablait. Son ami Axel, son cher ami, c'était fini alors. Adieu la bonne camaraderie, la fraîche amitié dont elle avait si grand besoin, qui lui avait été si chère et si réconfortante. « Laissez mes mains, je vous en prie, » supplia-t-elle faiblement. Elle ne reconnaissait plus Monsieur Delhomme, lui, si calme, toujours, si maître de soi. Alors cette passion, cette agonie d'amour, c'était pour elle, vraiment? Pour elle? Le petit être fragile et frivole qu'elle était, valait-il la peine que ce cœur d'homme se brisât à son sujet? Combien étrange, affreux, de voir souffrir pour elle un homme comme Axel. Et malgré sa peine et son regret, elle pensa de nouveau que si elle avait eu l'extérieur de la baronne, son être moral demeurant exactement le même, jamais Axel n'eût souffert à son sujet. « Oh, laissez-moi, je vous en prie, » répéta-t-elle, détournant la tête, fermant les yeux pour ne plus voir l'amour et la douleur écrits dans ceux d'Axel. « Qu'avez-vous à me dire ? Vous le savez, vous le savez. Vous, si compatissante à ceux qui souffrent ? Non, non, taisez-vous par grâce. Je ne me tairai pas. Faut-il donc que je vous ai vu prodiguer votre amour à des gens qui ne s'en soucient pas, ne l'apprécient pas, n'en veulent pas, qui ne sont dignes d'en comprendre ni le prix ni la beauté, pendant que moi, je meurs de faim et de soif à vos pieds? Oui, il faut m'écouter, il faut m'entendre. Je suis affamé de votre tendresse. Pour l'amour du ciel, donnez-la-moi. » Et reprenant ses mains de force, il y pressa ses lèvres ardentes. Anna se sentit perdre pied. Jamais jusque-là, sa peau fraîche, son âme paisible, n'avait été brûlée par des baisers. Il fallait absolument arrêter M. Delhomme. Impossible de demeurer plus longtemps ainsi, les paupières closes et les paumes incendiées par des lèvres en feu. « je vous en prie, Axel, laissez-moi, » murmura-t-elle. Et navrée, désolée, elle se mit à pleurer à grosses larmes comme un enfant. Il lâcha ses mains d'un geste brusque. Elle resta à pleurer devant lui. Quel dommage, perdre son ami et lui faire tant de peine. Jamais je ne me serais douté que vous, sanglota-t-elle. Quoique je vous aimais, s'écria-t-il, incrédule, presque indigné. Allons donc. Puis il se calma, un peu touché par son visible chagrin. Mais bientôt son front s'assombrit de nouveau. C'est de pitié pour lui qu'elle pleurait. « Peut-être, » reprit Anna au milieu de ses larmes, « une fois ou deux, dernièrement, cette pensée m'est venue, mais je ne savais pas que c'était si terrible. Je ne me doutais pas que vous étiez un pareil volcan. Oh, Axel, mon cher Axel, pourquoi vous êtes-vous changé en volcan? Nous étions si bien, nous étions si bons amis. Et comment être ami avec un volcan? Vous vous riez de moi, Anna. Oh non, non. Pour rien au monde, vous savez que ce n'est pas. Écoutez, soyons raisonnables, parlons tranquillement, sensément. Vous qui connaissez tous mes plans, à qui j'ai confié toutes mes ambitions, dites-moi s'il est possible que je songe au mariage, moi, grand Dieu. Alors ces femmes, ces misérables femmes, que vous ne savez même pas rendre heureuses, ce seront elles qui me volent mon bonheur à moi, mon pauvre bonheur, notre bonheur, ma bien-aimée. Il prit son poignet délicat et le serra avec force, comme s'il voulait la réveiller d'une torpeur mortelle. « Répondez, il le faut, » commanda-t-il. « Si ces malheureuses n'existaient pas, vous consentiriez à devenir ma femme ? Oh mon Dieu !» soupira-t-elle. « Nous revoilà dans le drame. Je vous ai bien entendu, elles sont l'unique raison de votre refus. La raison ne serait-elle pas suffisante ? Non, si vous m'aimiez, vous ne leur accorderiez pas même une pensée. » Elle se remit à pleurer amèrement. « Mais alors ? C'est que je ne vous aime pas, Axel. Pas comme vous le voulez, au moins. Oh, si vous saviez combien j'en suis désolé. C'est affreux à moi, mais que puis-je y faire? Vous êtes si bon, si grand, si généreux. Je vous admire, je vous respecte. J'ai en vous une confiance absolue. Et pourtant, je ne vous aime pas. Non, ce n'est pas de l'amour que j'éprouve pour vous, Axel. Je suis au désespoir. Oh, mon ami, mon cher ami, n'ayez pas l'air si triste, n'ayez pas tant de chagrin. Que vous importe puisque vous ne m'aimez pas. Oh mon Dieu, gémit-elle en cachant son visage dans ses mains. Regardez-moi, Anna. Quoi, vous me refusez cela? Je n'ai pas besoin de vous regarder, je suis très malheureuse, mais je n'y puis rien. Regardez-moi, je vous en prie. Pourquoi, Axel? À quoi bon? Mais elle releva la tête et fixa sur lui ses yeux noyés de larmes. Se penchant vers elle, il sonda d'un long regard les profondeurs de ses yeux purs. Espérait-il y surprendre le secret qu'elle ignorait elle-même? Chers yeux, si beaux, si candides, pleins de douleur, pleins de pitié, mais hélas, ne laissant transparaître aucun sentiment plus tendre. Il se détourna en silence. « Axel, nous sommes amis comme avant. Promettez-le-moi, promettez-le » s'écria-t-elle en le suivant de quelques pas. Mais il sortit sans répondre. Une servante entrait, apportant le goûter. Anna sentit l'impossibilité de cacher son trouble, ses pleurs. « Oh, Johanna, la pauvre baronne, elle est si malade, si malade !» s'écria-t-elle en se laissant tomber sur un fauteuil, secouée d'une crise de larmes qui témoignait d'un amour très surprenant pour la baronne. « Ah, les armes, baronesse !» fit Johanna avec une pitié de commande. À part soi, elle pensait. « En ce moment même, la mise vient de se quereller à mort avec son Bräutigam. Le goût des guerres !»